Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, la jungle des luttes, l'émission mensuelle du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Alors, une émission un petit peu improvisée pour le coup, parce que bon, vous êtes tous au courant, il y a une grève SNCF, et Virginie qui fait l'animation d'habitude, et avec qui on avait prévu une émission bien construite et bien chargée, est bloquée en Italie. Puisqu'il se trouve que le week-end dernier, il y avait les rencontres internationales des collectifs de solidarité avec les apatistes qui avaient lieu dans le Val de Susa. Et donc, bon, on ne proposait pas du tout de râler contre la grève de la SNCF. Au contraire, ce n'est pas du tout le genre du comité, ce n'est pas du tout mon genre, ce n'est pas du tout l'idée. On est plutôt là en soutien aux luttes contre le capitalisme en général, et je pense que celle-ci en fait partie. Cela dit, voilà, l'organisation de cette petite émission est un peu bouleversée. Alors, on a quand même pas mal de matériel qu'on va pouvoir utiliser. Notamment, il y a plusieurs copains qui sont descendus à Longomaï il n'y a pas très longtemps de ça et qui en ont profité, évidemment, pour faire quelques enregistrements. Et bon, et voilà, il y a pas mal de trucs très intéressants que je vais vous passer. Et puis, bah, pour le reste, écoutez, je vais improviser. On avait prévu aussi de parler un petit peu de la Coupe du Monde, parce que vous avez tous entendu parler de la Coupe du Monde. Enfin, j'imagine, c'est dur d'y échapper. Mais voilà, il y a quand même pas mal de protestations et de contestations autour de cet événement, de luttes. On en entend plus ou moins parler. Et on avait prévu ça. J'ai quand même quelques petits thèses que je vous lirai si j'ai le temps ou pas. Et je vous passerai aussi un petit reportage qui a été fait par Premier Dos Mexique sur l'hommage à Galeano, dont on vous a parlé il n'y a pas très longtemps. Galeano, c'est un compas zapatiste qui a été assassiné il y a quelques semaines de ça. Et du coup, voilà, il y a eu un hommage qui a été organisé à la mémoire de ce compañero. Et il y a un petit reportage qui a été fait et qui inclut aussi des extraits du récent communiqué de Marcos qui a annoncé qui rendait son mandat de porte-parole, que Marcos était mort et qui laissait la place. Donc voilà, si j'ai le temps, je vous passerai ça aussi et j'essaierai de le doubler en direct. Enfin, le doubler en direct, il a été doublé, sous-titré, donc j'aurai juste à lire les sous-titres. Et voilà, ça risque d'être intéressant. Donc, un petit morceau de musique pour l'instant et on revient tout à l'heure avec Longomaille. El mismo yugo, la tele disfraza muy bien a los verdugos. Y otra vez, frijoles con picante. de dicho su parte boricua, no siento para clavarte. Esto lo aprendí de mis hermanos venezolanos que enfrentan al imperio con la voz y con las manos. Aquí no hay bases gringas, aquí no hay puñaladas. Prometen salvaciones y no salen con mamadas. Y es así que salimos a combatir. Empuñando el micrófono, hombres y mujeres esperando lo que se está viviendo así. Solo la verdad puede liberarte. Porque solo la verdad puede liberarte. Porque solo la verdad puede liberarte. Porque solo la verdad puede liberarte. Ven y lucha, ponte la capucha. Ven y lucha, ponte la capucha. Ven y lucha, ponte la capucha. La capucha va. Ven y lucha, ponte la capucha. Ven y lucha, ponte la capucha. Ven y lucha, ponte la capucha. La capucha, huevón. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Alors, donc, comme je vous le disais, on va partir sur une petite balade que les copains ont fait à Longomaille pour découvrir un petit peu ce qui s'y passe, comment c'est organisé, quelles sont les activités qui sont en place, comment ça tourne. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser au micro et je vais lancer directement le petit reportage que Virginie avait fait à l'époque. Feignant, tu réfléchis quoi, tu es fatigué inutilement. Le moindre effort, ça coûte, donc calculons. Voilà. Donc du coup, c'est ça. Donc à Longomaille, disons, on a toujours parlé depuis le début du trépied économique. Trépied économique, ça veut dire on n'est pas basé sur une production, on essaye d'être dans la diversité, de travailler dans la diversité. Et ça, un peu dans tous les domaines, dans toutes les fermes, dans toutes les coopératives de Longomaille, ça veut dire. D'un côté, il y a le monde végétal, de l'autre côté, il y a le monde animal, de l'autre côté, il y a la transformation de produits. Alors, je vous mets des exemples. Au niveau végétal, on s'occupe de la forêt, on sort du bois de la forêt pour se chauffer. On a des arbres fruitiers pour nous et pour la vente. On a des petits fruits pour nous et pour la vente, comme les framboises, par exemple. Ça, on a beaucoup dans la région, on est très connus grâce à la confiture de framboises, le coulis de framboises, etc. Ensuite, il y a le jardin qui fait que la plupart des légumes qu'on mange une bonne partie de l'année, ça vient de chez nous. Attention, pas toute l'année. Hein. On va pas prétendre. Entre janvier et juin, quand même, il faut avouer qu'on achète un peu des trucs. Hein. Voilà, après, il y a les grandes cultures. Et là, il y a les agriculteurs, donc. Qui produisent du foin pour les bêtes. C'est en bas, là, c'est plus... Ouais, on a des champs un peu partout. Ah, ça, on a des rotations de culture. Ah, c'est pas chaque année. Ouais, parce que comme ça, ils ne voient pas. En fait. Ça bouge. Ouais. On bouge les grandes cultures, vois. Donc, on produit du foin et après, on produit des céréales. Des céréales, ça veut dire du blé, du seigle, de l'orge, pour les bêtes, pour l'alimentation du bétail, ça veut dire les chevaux, les chèvres, les moutons, les poules, et pour le pain. On va aller maintenant à la boulangerie, ils sont en train de faire du pain là aujourd'hui, et je vais vous montrer, il y a le moulin pour moudre le grain. Du coup les semences, c'est-à-dire que ça soit pour les céréales ou que ça soit pour pour les potagers et tout, vous les reproduisez vous-même les semences. Mais on est de plus en plus, sur la production des semences. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc que je voulais vous montrer tout à l'heure parce que là, par exemple, ça fait des années qu'on organise chez nous ici des stages pour apprendre à ceux qui veulent à produire ses propres semences. Mm-hmm. Et on fait ça avec Cocopelli. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on travaille avec eux. Et depuis un an, il y a une équipe de personnes d'ici qui, avec des personnes de l'extérieur qui sont des spécialistes de cinéma et vidéo, on est en train de faire un film pour vulgariser ce que c'est la production des semences. Ça veut dire pour montrer comment on peut soi-même faire des semences dans son jardin, d'accord. Et la plupart, effectivement, des semences qu'on a, nous, elles viennent de notre réseau ou dans le, ouais. Vous échangez entre vous aussi et avec d'autres coopératives. Exactement. Et on fait beaucoup de bourses aux graines. Ça veut dire, actuellement en France, c'est interdit de vendre des graines. Mais tu peux les donner. Tu peux les troquer, ouais. Et donc, nous, on les donne, on les troque. Nous, on fait des bourses, ce qu'on appelle des bourses aux graines, plusieurs fois par an, dans différentes. Lors de différents événements où ça se prête, on est invité. Et là, nous, on donne des graines, beaucoup. Mais on nous donne aussi des graines, ce qui renouvelle toujours l'histoire. Et ça fait. T'as besoin de pas mal de graines quand même, au final, sur Longo, j'imagine. Ouais. 100 kilos des fois. Ouais. Ah oui, absolument. Ça veut dire au niveau du potager, on a énormément de diversité déjà. Et après, au niveau des céréales, je veux vous amener au moulin. Nous, on fait partie. Il y a quelques personnes ici de Longomai qui font partie du réseau Paysans Boulangers. Et c'est un réseau qui cherche à mettre en culture des anciennes variétés de céréales, notamment du blé, des blés qui sont pas des blés modernes, où on a cherché toutes les dernières années dans les blés industriels, on cherche de blé à forte teneur en gluten, on voit de plus en plus se développer des intolérances et des allergies par rapport au gluten. Ouais. Nous, ce qu'on cherche, c'est à mettre en culture des anciennes variétés qui se complètent les unes aux autres, qui ont différentes caractéristiques, et puis aussi qui ont moins de gluten et qui ont plus de, par exemple, qui ont plus de paille. Ouais. Alors donc, pour revenir à l'histoire du trépied économique, au niveau du monde végétal, donc il y a la forêt, il y a les fruitiers, il y a les petits fruits, il y a le potager, il y a les grandes cultures, donc le blé, les céréales. Après, je vais vous amener maintenant, on va aller à la chambre qu'on appelle la chambre russe. Et c'est la chambre de l'équipe qui s'occupe des plantes médicinales, dont je fais partie. Ça veut dire qu'on est dans une région ici en Provence où il y a beaucoup de soleil. Et le soleil fait qu'il y a beaucoup de plantes qui ont beaucoup d'huile essentielle, des plantes chargées en essence, qui poussent tout à fait spontanément, genre lavande, thym, sarriette et d'autres. Et ici, dans la région, il y a pas mal de gens qui ont des alambics. On fait de l'huile essentielle, de lavande, de lavanda, ça remonte tout ce que je viens de citer là. Et voilà, nous, moi, je fais partie d'un peu ce petit groupe qui s'intéresse à comment on peut être un petit peu autonome au niveau de la santé, pour des choses simples, pour des choses du quotidien, comment on arrive à soulager tout plein de problèmes grâce aux plantes, avec des plantes, voilà. Donc nous, on fait de la plante séchée, on fait des macérats huileux, on fait quelques teintures juste pour nous, hein, parce que c'est interdit à la vente. Et on fait des baumes, parce que comme on a aussi des abeilles, donc on a aussi la cire et la propolis. Et du coup, on arrive à faire pas mal de produits, principalement pour se soigner nous-mêmes, grâce à ces matières premières. Alors ça, c'était dans le monde végétal. Et au niveau des animaux, je commence par les plus gros. Hein. Les plus gros, c'est des gros chevaux. On a des gros chevaux de trait. Et on fait beaucoup de travail avec eux. Au jardin, on rentre plus avec le tracteur depuis déjà des années. On fait tous les travaux de labour, d'entretien des cultures et tout ça avec les chevaux. Ça passe trop le sol. Et puis idéologiquement, on parle beaucoup de la fin du pétrole, etc. Et nous, on a des tracteurs, mais on a aussi des chevaux. Et pour beaucoup de travaux, on privilégie le cheval. Et on sait que si un jour il y a vraiment une grosse crise, on pourra quand même continuer à produire notre nourriture. Bon, donc on a les chevaux. On a des chèvres. On a des chèvres qui sont autour de la radio, là-haut, sur la colline. Et l'idée, c'est de produire le fromage pour nous pendant à peu près la moitié de l'année, quoi. Les produits laitiers, enfin, c'est surtout du vous fromage. Vous ne les vendez pas, vous, vos fromages, par contre? Non, mais non, parce qu'on est, on est assez nombreux. Ouais. On est assez nombreux, quand même. Puis, ils sont bons, on aime bien les manger nous-mêmes. Hein. Parce qu'avant, on les achetait, alors maintenant, on ne les achète plus, donc... Je veux dire, du fromage pour 100 personnes pendant 6 mois, si tu fais un calcul, c'est quand même quelques litres de lait. Hein. Donc voilà, il y a les chèvres, il y a les moutons, il y a les brebis. Donc. Les brebis, parce qu'on a une filature à Briançon et qu'on travaille la laine, on transforme la laine. Et voilà, donc les moutons, on les a depuis le début. Hein. Après, on a des petites bêtes, genre poules. C'est ce qu'on aurait dû faire. Enfin, on a des poules pour les œufs. Et on a des abeilles pour le miel. Et voilà, ça c'est au niveau végétal. Et puis sinon, après on transforme les produits. Ça veut dire le lait de chèvre, on le transforme en fromage. La laine des moutons, on la travaille jusqu'à faire des pulls, des chaussettes et des couvertures. Je sais pas... Le miel, enfin les abeilles, il y a la propolis, la cire, plus le miel. Enfin bon, voilà, la logique, c'est que nous, on transforme nos produits et on les vend de manière directe. On fait des marchés deux fois par semaine ici à Fort-Calquier et on participe à beaucoup de foires. Et les produits de chaque coopérative, on les vend dans toutes les autres coopératives. Et l'idée, c'est qu'il y a nous-mêmes récupérons ce qu'on gagne, quoi. On fait des confitures et on les vend. C'est pas quelqu'un qui les revend à notre place, quoi. Comme ça, on garde un petit peu de d'argent, quoi. Parce que sinon, si tu vends directement le lait ou le grain, si tu le transformes pas, tu tournes pas, quoi. Enfin, voilà. Et là, il y a Marina qui est là, on va la voir. Oui, oui. L'état à l'hôpital agréé. Non, attendez, autrement. J'étais au banquet des chasseurs. J'ai tombé assis sur la table, assis couché. J'ai eu un malaise. Je suis parti à l'hôpital à Gré. Voilà, c'est ça. Après, c'est fini. La bonne défense rurale, c'est du rousse, yes, de l'authentique, du typique. Je vois mon clone dans l'arrière boutique. English beef, légalise. Poulet belge, légalise. Salmonelle, légalise. English beef. FPP 106.3, la jungle des luttes, et on continue la balade à Longomaille avec... Alors maintenant, voilà, boulangerie, où la farine est en train de... Tu sais, parce que nous, quand à un moment donné, et tout, on voulait regarder comment on aurait pu faire des... Tu l'as trouvé ? Ouais, merci. La massa. Les cookies vont pouvoir être faits. Ouais. Bon, ça c'est... Alors ça va ? Les boulangers, boulangères. Pas l'ombre. Ah, c'est vrai. Il est en train de monter là. Que se está subiendo el pan. Está subiendo. ¿Por qué lo habéis puesto aquí? ¿Dónde está el maestro? Il est où, Alexis? Hein? Il est où le grand maître? Le grand maître, il est pas là. Il est où? Il arrête. C'est vrai? Ouais. Pour 20 minutes. Voilà, c'est qui vous raconter ce que vous avez fait. On sait tous les apprentis, le grand maître, il n'est pas là. Voilà, ouais. En espagnol, à quel? Bon, en gros, je peux vous raconter. Donc, ici, c'est pareil, on a un système de machine pour pétrir la pâte. Donc, nous, on fait que du pain en levain. On récupère d'une fournée à l'autre le levain, enfin un bout de pâte qui devient le levain pour la prochaine fournée. Donc avec on utilise la farine, eau, levain, sel. Voilà, ça le pain. Après tu peux rajouter un peu des graines, des trucs. Mais... J'ai une question. Alex, il fait plus avec ça. Il prépare la pâte avant, la veille et le matin, il la travaille à peine. Il l'a fait lever et après la met au four. Ah oui, d'accord. Il la touche à peine la pâte. Il la boule pas, ni rien. Ouais, bon, parce qu'en fait, Alexis, c'est quelqu'un qui, il aime bien faire des expériences et tout. Et là, il vient de faire une formation chez des boulangers. Et donc, maintenant, il essaye plein de trucs. Donc, du coup, c'est plus de temps mais moins de travail, peut-être. Non, le fait que tu le laisses plus reposer. Et non, c'est pas. Même pas plus reposer en fait. C'est partout la veille en fait. Il y a toute la pâte qui est faite la veille. Et du coup. C'est pour ça qu'hier soir vous êtes allé faire préparer la pâte en fait. Et du coup toute la nuit. Elle fermente, elle monte avec le levain. Et aujourd'hui en fait on découpe juste les pains dedans et on les mélange. On les façonne même pas en fait. Ouais. Et du coup, voilà. Et donc là, il y a le four évidemment à bois. Ouais. Hein, qui chauffe. Qui chauffe là, il est grand. Hein. Ouais. Voilà. On continue. Mais ça, c'est pas la maison que vous construisez. Ça, c'est un autre projet. Ça, c'est juste vous remonter les murs de. Ça, c'est pas la maison bioclimatique, non? Ouais. Elle est pas du tout bioclimatique, celle-là. Elle est à l'ancienne. Elle est à l'ancienne et sans machine. Elle est plutôt conditionnée qu'isolée. Elle est cryoclimatique. En été, c'est pratique pour faire des siestes. Ouais, parce au frais, tu restes ouais, c'est au frais. Ça. Mais bon. L'été, c'est pas toute l'année, c'est ça le problème. Et donc là, c'est quoi? Vous remontez le mur et après là. Et après, il y a des choses. Mais là, on a fait il y a 2 ans ce toit-là. Et là, ça va. Il y a 2 ans, il n'y avait pas ce toit-là. Non. Ouais, bah attends, quand même, il bosse. Hein, c'est... Ça met du temps, mais ça monte. Enfin, ah mais c'est vrai qu'il est énorme ce bâtiment. Mais là il va y avoir une bibliothèque hein. Une deuxième bibliothèque. Quoi une deuxième? Quoi, il n'y en a pas une? Bon, la petite chambre, le bateau là pour avec les quelques polars. Ça va être près de centaines de cartons de bouquins. Ah d'accord. On ne sait pas quoi faire avec. Ouais, donc il faut faire la bibliothèque. C'est partout dans nos compagnies, il faut le coup que là-haut en Allemagne c'est pareil. Il faut faire une bibliothèque parce que on ne sait pas quoi faire avec les livres. Mais du coup, là, les pierres, vous les taillez ou vous les avez... À un moment donné, oui, les encadrements plutôt des fenêtres. Oui, ouais. On cherche des faces plates, naturelles. Ouais. Ah, vous les cherchez ou vous les taillez? Oui, là, derrière toi, dans un tas comme ça, on regarde. Mais ça, c'est des pierres que vous avez récupérées de la maison qui s'est écroulée ou quoi? Une autre ruine, mais sinon, ouais. À chaque labour, il y a des pierres qui sortent. Qui apparaissent. Et puis là, ça, tout ça, ce tas-là, c'est des pierres qui ont été taillées, une après l'autre. Ah oui, ça, mais ça, c'est pour les ongles. Ça, c'est pour faire les angles, ouais. C'est pas les angles des pierres. Ouais, ça, tu dois galérer là. Mais quoi, il y a un tailleur de pierre chez vous ou... Derrière toi, il y en a. C'est lui le tailleur de pierre. Allez, la machine est en route. La machine tourne, tourne. Bon, bah, bon courage. À tout à l'heure. Ah, mais j'ai une question. Parce que hier, je leur ai montré les constructions qu'on fait avec des briques de terre. Et ils m'ont posé une question, est-ce qu'on met quelque chose ? Mais quoi ? Bah, est-ce qu'on met du ciment ou des sauf trucs ? Sauf à la kiwi. Tu mets le pas de kiwi, on a mis 5% de ciment. C'est ce qu'on appelle des briques stabilisées. Mais là, mais pourquoi tu as fait le choix de mettre un petit peu briques, de ciment ? On a fait le poulailler. Ouais. Ou alors là où il y a Petra et Paul, là. Ouais. Tout ça, c'est sans aucune. C'est que de la terre. Oui. Même pas, terre. Pas de cailloux, pas rien. C'est comprimé, mais tu vois, pour le Chiapas, c'est parce que. Je veux dire, là-bas, ils n'ont pas beaucoup de matériel de construction. C'est juste qu'il faut bien les tasser. Et nous, on a une machine pour bien la tasser, la terre. Bon, mais là, on a fait à peu près le tour du polygone. Mais c'est sympa aujourd'hui, il y a du monde. Il y a même Eric qui. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais. Lui, c'est notre. Notre expérimentateur, il adore faire des expérimentations. Alors ça va Eric ? Tu fais quoi là ? J'essaie de me dire avec Michetou qu'on échange les textes pour bien vu, ouais. Donc il fait partie de ceux qui se prennent un ou deux jours pour lire pour les lire, textes, pour être prêt pour, être prêt les, trois pour les trois jours. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais me prendre le temps de faire comme lui, mais peut-être j'arriverai, je ne sais pas. Merci, vraiment. Voilà, donc. Pour cette belle description de ma session de branlette du matin. De quoi ? Attends, répète. Je dis merci Lourdes pour cette belle description de ma session de branlette du matin. Oh, regarde, j'ai pas dit ça. T'as plus ou moins dit ça. Mais non, pas, mais je sais pas. Ben non, c'est surtout qu'elle se dit comment ils font les autres pour lire les textes et elle voit bien qu'elle aura pas le temps. Malgré tout. Il y a des gens comme toi qui travaillent, quoi. Ouais, non, mais je travaille pas. Là, je me balade avec tes copains. Mais on va travailler là. Bon, là, c'est la cuisine collective, la cave collective. Voilà le grand maître. Ah bah voilà, le boulanger. Alexis. Enchanté. Virginie et Erwin. Ouais. Salut. On est allé à la boulangerie et ils disaient, ouais, on croit que machin, ouais, il semblerait que maintenant, ils n'utilisent plus ça. Enfin, il n'y a que de l'expérimental. Mais c'est clair. Mais alors, comme le grand maître, c'est pas là. Tu pétris tout avec la machine, c'est ça ? Si, si, parce que là, toujours. Le pétrin, il est cassé, du coup, je le répare. Tu le répares. Bah, on va passer. Le. Ouais, il y a des fibres de bois qui pètent et du coup ça se met dans la pâte, ça se met dans les ongles, tu vois, des échardes. Oula du ouais, coup, du c'est coup, chiant. C'est dangereux, ouais. Après, ça te perce l'estomac. Ouais, dingue. Et surtout quand tu pétris, tu vois, ça trempe sous les ongles là, c'est pas. Ouais, c'est pas agréable, quoi. Ah, ouais. Là, parce qu'il faut que tu pétrisses énergiquement, donc tu vois, tu y vas avec envie, quoi, et paf, ça trempe dans les ongles. Mais parce que, ah ouais, il y a les fibres du tu veux dire, du contenant. Les fibres du bois, il est tu vois, trop vieux. Il est trop vieux, ouais. Et lui, c'est mystère, bougé, paysan boulanger, monsieur Jacques Bergrand, que je vous ai dit, c'est monsieur qui. Enlève tes lunettes quand tu me parles. Non, moi, je suis éblouie par ta beauté, ta beauté. Donc, c'est lui qui s'occupe un peu des grandes. De cultiver les différents blés. D'accord, c'est toi anciens, qui fais les potions. C'est la bonne farine, quoi. J'ai bien, j'ai dit beaucoup de bien. Du bon pain, c'est. J'espère, c'est essentiel. Vous faites pas de seigle, hein? Si, si absolument, du seigle, ouais. Ouais. Mais là, le pain, tu utilises. Tu fais un mélange. Il y en a un peu, un cinquième de seigle dans le pain. Vous faites toujours le même pain ou des fois tu changes de formule ? Ben non, on fait toujours le même. Après, des fois, on met un peu des graines. Maintenant, on a un peu des graines, tu sais. C'est rare. Ben, lin, amandes, des trucs comme ça. Enfin, non. Ouais, ça dépend un peu des boulangers, des cultures qu'ils ont. Ouais. Si c'est des boulangers, par exemple, il y a une ou deux Allemandes qui font le pain chez nous, elles aiment bien rajouter du seigle. T'en as d'autres, elles rajoutent du blé dur. Mais quoi, chez nous, c'est où chez nous ? Ici. Ah, d'accord. Et donc lui. Lui. Monsieur Blé, madame. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs boulangers, tu veux non, dire. Moi, il y a plusieurs boulangers. Pour l'instant, ouais, en ce moment. D'accord. Je touche beaucoup la fabrication du pain. Et je change pas mal de choses, donc du coup, je touche pas à la farine pour l'instant. Ouais, pour pouvoir voir comment ça marche avec la même farine, sinon tu peux pas. Ouais. Moi, j'essaie de lui faire une farine le plus régulière possible, quoi. Pour qu'il s'y retrouve. Combien de variétés de blé tu as dans le. Mais donc, le mélange, du coup, il n'y a pas que toi qui fais du pain. Du coup, non, il y a Christine. 150 variétés de blé. Des monteurs. Non, c'est pas des conneries. Non, c'est vrai. Bon, si tu veux, le mélange, il a sûrement évolué. Peut-être qu'il y en a qui ont disparu, mais à l'origine, il y avait 150 variétés. Ouais. De blé. Non, oui, surtout du blé, mais il y avait aussi... De céréales, tu veux dire. Ouais, mais c'est quand même du blé, principalement. Ouais. Que tu fais 90% pousser. C'est du blé. Tu fais pousser ensemble dans le même champ les différentes variétés de blé. Ah, maintenant, ouais. Et ça a été balèze de récupérer les variétés. Parce que, ouais, du coup. C'est... Le gros travail, c'était ça, c'était de retrouver les variétés et puis de les remettre en culture, voir celles qui étaient bien parce adaptées. Parce qu'à un moment donné, il n'y en avait plus du tout quasiment de. Mais si tu veux, on a tout sorti des congélateurs de l'INRA. Ah ouais. Ouais. Vous avez fait une expédition comme ça? Non, non, c'est une bagarre, avec, mais. Avec Jean-Pierre Berland et tout. Ouais, ouais. Non, non, c'est une bagarre, si tu veux, de mais ça vaut le coup. Mais si tu veux, normalement, ils peuvent pas te refuser des petits... Mais ils te donnent des cacahuètes, ils te donnent 3-4 grains de blé. Après, tu multiplies. Après, donc ça, avec ça, ouais, voilà, tu faut que tu le après, retires, que tu fasses pousser, que tu retires après, la graine que de ce que t'as... Après, de faire des essais de multiplier, ouais. Puis de les faire circuler pour qu'elles se retrouvent dans des conditions de culture différentes, quoi. Mais du coup, elles ont de la diversité. Enfin, ouais, faut accepter d'avoir des rendements, enfin, c'est des rendements de moins forts, quoi, genre de 2 tonnes. Oui, parce que nous, on n'est pas en culture intensive. Hein. Ouais, ouais. On joue surtout sur les rotations. On ne met pas d'engrais. On met du fumier quand on en a assez. Dans certaines rotations, on en met, mais. De toute façon, c'est pas des variétés qui supportent des gros rendements. Ouais. Parce c'est que... quoi, genre à l'hectare, ça fait genre une tonne. Oh, bah, si t'as une bonne récolte, non, cette année on a eu en seigle, on a eu je sais pas 3,5 tonnes de récolte à l'hectare. Ah, ouais. Le blé, c'est plutôt une 2,5 tonnes. Ouais. Voilà, des fois c'est moins si la rotation est un peu ratée ou si le précédent était mais vraiment. 2,5 tonnes sans rien, sans voilà. En bio, quoi. Sans, ouais, du coup, t'as pas besoin de mettre de produits. Et puis, si tu veux, nous, on est en circuit le plus court possible, puisque c'est pour faire notre pain, par exemple. Ouais. Donc, nous, c'est pas le rendement qu'on cherche, c'est plutôt la qualité et puis la cohérence dans les rotations agricoles et tout ça. Ouais. Ouais, pour avoir 2,5 tonnes, tu sèmes combien de blé, par un hectare. Non, mais combien quel poids tu sèmes 100, 120 kilos. Ah, d'accord. 140, ça dépend un peu des... Ça sert à rien de se mettre trop dense. Faut leur laisser de la place pour pousser. Qu'ils puissent se développer. Ouais. Surtout le seigle, par exemple. En montagne. On se disait, en fait, avec autant de maïs et tout qui est mis en France, là, du coup, qu'on pourrait se débrouiller pour mettre du maïs, tu vois, pour faire de la massa, quoi. Tu vois, comme dans le Mexique et tout. Tout ça, bon, tous les latinos et tout qui mangent du maïs. Parce que vous n'avez pas de maïs du tout, hein. Mais nous, sinon, on n'a pas des. Ça on n'a pas trouvé. D'abord, on n'a pas d'eau, donc déjà le maïs. Ça demande beaucoup d'eau. Il faut vraiment qu'on trouve des. Ouais, ça demande beaucoup d'eau. C'est quand même une culture qui aime bien l'eau, quoi. Ouais. Enfin, qui aime bien les pays humides. Qui aime bien les pays humides, je veux dire. Il y a de l'eau. Si. Après, t'as des. Voilà, après, t'as des. Bon, au Mexique, si tu veux, j'imagine les paysans, ils arrosent pas leur maïs, quoi. Ils ont pas les moyens d'arroser. Non, mais ils ont des grosses saisons de pluie quand même. Voilà, c'est ça, ils ont. Alors que nous, ils sont pas avoir des périodes de sécheresse très très longues. Mais t'as des maïs de zone sèche. Hein. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé des maïs qui résistent vraiment à des grosses sécheresses, quoi. Ou alors, c'est des tout petits rendements, et franchement. Franchement, parce que l'année dernière, par exemple, on a fait une résiste transhumance. On s'est baladé pendant presque une semaine à travers tout le département jusqu'à la préfecture à Digne. Ouais. Et je veux dire, on n'arrête pas d'être dans des bagarres pour des choses bien. Je veux dire, moi, je crois qu'on est dans un temps où tout ce qui était normal, tout ce qui était traditionnel, on est en train de l'interdire. Reproduire ses semences, traiter son. Son élevage de moutons en cultivant l'observation des bêtes et tout, tu vois, maintenant on t'oblige à faire des trucs absurdes, quoi. L'histoire avec les Colombiens, en fait, nous on les a fait venir ici parce que justement là-bas, c'est pas ces choses qui vont arriver ici. Voilà. En fait, il y a toujours une. On essaye toujours à un endroit d'imposer un développement, ou je sais pas quoi. Non certifié. Là. C'est ça, ouais. Ouais, parce qu'en fait, tout ça, c'est suite aux accords de libre-échange qui ont été signés entre la Colombie et les États-Unis. Et maintenant, l'Europe est en train de signer des accords de libre-échange. Et je veux dire, on est en train d'essayer de uniformiser les législations, tu vois. Donc, en fait, à chaque fois par le bas et au privilège des grandes multinationales. Monsanto et compagnie, eux, ils vont se remplir bien les poches. Parce que tout le monde va être obligé à acheter les semences chez eux. Mais bon, je veux dire, Monsanto, il a rien inventé. Ils ont juste pris ce que les paysans, pendant des siècles, ils ont développé. C'est une diversité du monde végétal qui est assez énorme. Et nous, on se bagarre pour que ça reste du domaine public. C'est les paysans, pendant des siècles, qui ont abouti à nous amener plein de choses. Et il n'y a pas de raison que ce soit privatisé par quelques personnes qui veulent en profiter bien. Et ce que je trouvais intéressant là-dedans, dans cette histoire de délégation, donc ils ont raconté qu'est-ce qu'on leur impose, qu'est-ce qu'on veut leur imposer en ce moment, et ils ont cherché des relations concrètes, quoi. Il y a plein de gens qui sont venus parce qu'ils s'intéressent à cette histoire de semences. Ils n'étaient pas forcément politisés. Sur le coup, ils ne connaissent pas l'histoire de la Colombie. Mais à travers ce premier contact, où ils ont dit, nous, on veut bien parrainer soit une communauté qui a des difficultés, soit parrainer des semences concrètement. Donc il y aura un échange d'informations. Il y a des liens qui vont tisser concrètement. Et je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il faut abolir le capitalisme. Non, mais franchement, on se ferait nettement moins chier. Non, mais les gens ne croient pas, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on est pas mal à faire. Mais la compta, c'est un truc de fou quand même. Le temps que tu passes à faire des trucs totalement inutiles. C'est compliqué, t'as plein de trucs. Et tu dis, en fait, juste parce que si on le fait pas, on risque d'avoir des emmerdes. Ben c'est ça. Fermer boutique, presque. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment totalement chiant. Quoi. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Alors, c'était un petit condensé d'une balade dans Longomaï avec pas mal de gens qui s'occupent de pas mal de choses là-bas. Et comme vous avez pu le voir, c'est assez actif, il se passe plein de choses et c'est assez chouette. On va continuer après, toujours avec Longomaï, revenir un petit peu plus sur l'histoire, sur aussi un petit peu encore des chantiers, la radio, etc. Mais avec des petits rappels historiques de comment cet endroit s'est construit, comment tout ce qui peut se faire maintenant est apparu et a été développé. Mais pour l'instant, musique. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Uh-huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un genio. Es que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Toujours la jungle des luttes sur FPP 106.3, le programme mensuel du CSPCL. Alors je ne l'ai pas encore dit, mais l'émission est retransmise le jeudi matin à 8h, le jeudi matin prochain. Et vous pouvez de toute façon les retrouver en ligne sur le blog lajungledesluttes.blogspot.com. Et voilà, qu'on retrouve assez facilement en faisant une recherche quelconque avec son moteur de recherche favori sur Internet. Et sinon, concernant le CSPCL, le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site, enfin, toutes les informations qu'on met sur le site, donc déjà pas mal, sur le site cspcl.ouvaton.org. On va donc continuer le petit reportage sujet sur Longomaille, avec là, pour l'instant, un chantier et un peu l'histoire de comment... Et la communauté Longomaille et toutes les coopératives, toutes les communautés, tous les projets qui ont été menés ont pu émerger à l'époque. On se retrouve tout à l'heure. Et ça, c'est la première maison en paille qui a été faite, mais ça doit avoir au moins 30 ans déjà. Là, elle a été un petit peu rénovée. Et ça, c'est là où on a appelé le lieu Fatsa, parce que Fatsa, c'était une ville de Turquie. Dans le Kurdistan, où tout le conseil communal, à l'époque, il y avait les militaires, il y avait Evren, je crois, les militaires, une dictature militaire en Turquie, quoi. Et il y avait la bagarre avec les Kurdes, le peuple kurde, donc, qui n'était pas du tout reconnu, qui était reconnu comme une minorité, quoi. Mais il y avait tout un conseil municipal qui avait été mis en prison. D'une ville quoi entière qui s'appelait Fatsa. Et nous à l'époque on avait envoyé des délégations avec des avocats, des juristes, etc. pour faire connaître cette situation là quoi, parce que c'était quand même incroyable quoi, qu'on mette en prison un conseil municipal entier. Donc et, c'était les années 70 ouais c'était le début ou alors 80 ou début des années 80, je sais plus. C'est ouais. Ça, du coup, vous, Longomaille, vous n'êtes pas seulement attaché à acheter des terres et à construire un autre mode, vous avez été aussi vachement impliqué dans une solidarité avec d'autres... Ouais, bah, ça a commencé dès le début, hein, en 73, parce qu'il y avait, le putsch au Chili, là, le putsch de Pinochet. Et en fait, c'était à peu près en même temps qu'a démarré Longomaille, quoi. Et donc, ce qui a été lancé à l'époque par les copains qui venaient de la Suisse, c'était d'essayer de sortir un maximum de gens du Chili, quoi. avant que les gens soient tous emprisonnés et tout ça. Donc ils avaient fait une délégation avec des gens très respectables en Suisse, en particulier des entreprises qui a commercé avec le Chili, par exemple, des gens de Nestlé ou autres, enfin je ne sais plus, il y avait différents. Ils ont constitué une sorte de délégation qui a été diplomatiquement négociée la sortie de gens du Chili, quoi. Et en même temps, en Suisse, ils ont lancé ce qui s'appelait l'action Place Gratuite. Ça veut dire qu'ils ont. Imposer un peu, ils ont proposé que chaque famille suisse puisse accueillir un réfugié chilien. Ouais. Et bon, en fait, ça a eu quand même une dimension assez importante. Je ne saurais pas te dire combien de gens, mais c'était pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il puisse accueillir, pour qu'il puisse ouvrir ses frontières aux réfugiés chiliens, quoi. C'était une action très populaire, quoi, en demandant aux gens de. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Et je ne saurais pas te dire en nombre ce que ça a donné, parce qu'après, en fait, c'est devenu une action indépendante, quoi, qui a tourné en dehors de Longomaille. Mais c'était parti de là, quoi. Ensuite, effectivement, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui nous semblait. Je me rappelle au Paraguay, une fois, il y avait eu une attaque des militaires sur des communautés paysannes aussi. On avait lu un tout petit entrefilet dans Le Monde et on avait essayé de lancer, toujours pareil, une espèce de diplomatie différente, quoi, qui permette d'ouvrir les yeux de responsables politiques, des fois un peu de tous bords, sur ce qui pouvait se passer dans des endroits ailleurs d'ici, quoi. Et bon. Après, il y a eu l'histoire du Somoza avec le Nicaragua. C'est là où on a lancé une sorte de coopérative de réfugiés au Costa Rica. Hein, puisque ce qui se passait au moment de la guerre contre Somoza avec les Sandinistes, quoi, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se réfugiaient à la frontière du Costa Rica. Sauf des camps de réfugiés de l'ONU, quoi. Donc nous, on a proposé de créer des coopératives où ces réfugiés, au lieu d'être dépendants dans des camps, ils puissent se recréer une vie et continuer des apprentissages, continuer des formations, etc., quoi. Avoir des lieux de vie sous forme coopérative. Donc là, on a fait une grande campagne en Suisse et on a pu avoir, et d'une part, acheter un terrain de plusieurs centaines d'hectares, je crois qu'il y avait presque 1000 hectares au début, une ancienne finca, quoi, d'un propriétaire qui avait abandonné, et d'installer des gens. Donc au départ, c'était beaucoup de réfugiés du Nicaragua, et puis en plus, quand la guerre s'est terminée, il y en a pas mal qui sont retournés chez eux, mais il y a eu des Costa-Ricains aussi, des paysans sans terre, des précaristes, comme on l'appelait à l'époque. Qui se sont greffés dessus. Après, il y a eu des réfugiés du Salvador. Enfin, ça a servi à plusieurs occasions, hein, quand il y a eu des moments difficiles en Amérique centrale en général, quoi. Il y a eu des... Et maintenant, c'est un projet, c'est carrément devenu un village, quoi. Bon, avec aussi même un peu le principe. Chacun a sa maison, avec son bout de jardin, sa terre. Et puis, il y a des terres collectives aussi, quoi. Et là, ils sont organisés. Par contre, vous, ici, à Grangeneuve, vous n'avez pas de terrain privé, famille. C'est tout est un collectif. Voilà, nous, on fonctionne, la caisse et les communes. Et les terres aussi sont communes. Et toutes les décisions concernant le terrain sont prises en commun, quoi. Et donc vous, ici, vous avez combien d'hectares ? Nous, ici, on a à peu près 300 hectares. Bon, mais là-dessus, il y a une cinquantaine d'hectares cultivables. Le reste, c'est beaucoup de la colline, tu vois, comme on voit, forêt, à base de petits chênes, blancs. Du coup, vous utilisez le bois là, on en utilise une partie, mais comme c'est une région où systématiquement... Les gens ont coupé tous les 30 ans pratiquement pour pour se faire de l'argent, quoi. Hein. Donc les chênes ici, en moyenne, ils sont quand même assez jeunes et aussi assez dégénérés, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau départ à partir de glands, tu vois. C'est toujours des rejets, quoi, à partir des souches. Bon, puis il faut dire qu'ici, suivant les terrains aussi, il y a la roche calcaire qui est assez proche de la terre. Il n'y a pas beaucoup de terre, quoi. Donc c'est ce qui explique aussi que ces forêts soient... Bon, qu'il n'y ait pas des très gros chênes. Mais bon, l'histoire de la forêt provençale, ça a commencé avec l'histoire des Romains qui se sont servis dans toute la Provence pour faire les bateaux, quoi. Donc une des premières grandes attaques de la forêt, ça a été la flotte romaine. Bon, ensuite... après l'utilisation, par exemple, pour faire du charbon de bois, il y a une époque, il y a toute la région, là, il y avait énormément de charbonniers qui vendaient du charbon de bois, quoi. Donc c'est pareil, ils prenaient toujours des bois assez jeunes. Voilà, et maintenant, bon, bah, en gros, avec la déprise agricole des années 70 et tout ça, maintenant... si tu veux, ça la forêt, en fait, elle gagne du territoire, quoi. Depuis une cinquantaine d'années, la forêt regagne pas mal de territoire. Bon, c'est parce que, voilà, ici, on a des terres au sec, hein, on n'a pas d'arrosage spécialement. Nous, ce qu'on utilise comme eau, on le pompe de la rivière qui est en bas de la colline, la Laye. Ah, c'est ça, je me demandais s'il y avait une rivière. Donc on arrose du jardin ou les framboises, tu vois, ou les fruitiers, vraiment ce qu'on a besoin, quoi. Et vous avez quoi comme système, avec une pompe, quoi? Oui, on pompe dans la nappe, dans la rivière, quoi. Le toutou. Dans la nappe phréatique de la rivière. Bon, il faut dire que nos besoins, ils ont quand même pas mal augmenté avec les habitations, le nombre de gens qui vivent là aussi, quoi. Donc c'est un peu un facteur limitant quand même ici, l'eau. Oui. Enfin, au moins vous avez une source d'eau. Parce qu'on n'est pas dans les grandes zones aussi où il y a de l'arrosage, quoi. Parce que ici, depuis les années 60, avec la construction du canal de la Durance, tout ça, il y a des zones entières qui ont été mises à l'arrosage, quoi. Donc c'est ces terres-là, en fait, où on peut faire des fois du maïs, faire des cultures à l'arrosage. Voilà, c'est les zones qui ont été maintenues par les paysans dans les années 50-60. Tandis que le terrain où on est arrivé ici, qui était à l'écart de ces réseaux-là, ils étaient abandonnés, quoi. Enfin, ça servait juste de pâturage à moutons pour un gros propriétaire. Mais les trois corps de ferme principaux, donc Grangeneuve ici, Le Pigeonnier et Hippolyte, ils étaient en ruine, quoi. C'était abandonné déjà depuis les années 50. Et donc vous êtes arrivé en 64. On est arrivé en 73, 13, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, vous avez fêté vos 40 ans l'année dernière. Ouais. Ouais. Et donc toi, tu étais quasiment au début, hein, c'est ce que tu... Bah, moi, je suis arrivé en 74, oui. Ouais. Suite à cet appel qui avait été lancé après l'expulsion des premiers étrangers d'ici, quoi. Au début, il y avait des gens... Il n'y avait que des gens... il y avait un Français, enfin, non, on dit deux, il y avait une Française aussi. Mais dans les fondateurs, il y avait un Français et tous les autres, c'était des groupes qui venaient de l'Autriche, de la Suisse et un peu de l'Allemagne aussi. C'est pour ça que du coup, vous avez des liens forts avec la Suisse, l'Allemagne. Bien sûr, ouais. Et donc, eux, ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés, en tout cas, tous ceux qui ne faisaient pas partie de la... qui n'étaient pas ressortissants de pays de l'Europe, puisque à l'époque, c'était l'Europe des Six, hein. Donc les Autrichiens, les Suisses, qui avaient fait des demandes de permis de longue durée, de séjour, ouais. Ils ont été expulsés par Marcellin, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a dit qu'il ne voulait pas de cette chienlit de jeunes étrangers qui viendraient faire de la révolution en France, quoi. Et Voilà, donc ça s'est retourné complètement contre eux, parce que c'est à partir de ce moment-là que Longomaille a été connu, en fait. Que la presse s'est intéressée. À l'époque, il y avait La Gueule Ouverte. Et puis après, tous les journaux, Le Monde, Le Nouvel Obs, etc. Et donc, ils terminaient dans leurs articles, ils faisaient appel aux jeunes Français pour remplacer. Voilà, donc ce moi j'ai entendu expulsé, ça, ouais. Ceux qui avaient été expulsés. Et donc toi t'es berger. Et moi j'étais berger, j'étais en alpage à l'époque et j'ai reçu un journal, ouais, j'ai reçu le Nouvel Obs à l'époque, par ma mère qui m'envoyait régulièrement des journaux, des choses. Et puis j'ai lu ça et je me suis dit tiens, comme c'était toujours un vieux rêve d'aller vivre un peu en communauté, etc. Je m'étais dit bah, c'est le moment d'aller voir quoi. Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. ¡Ya, ya, ya! Hace más de 500 años levantamos que nos agachamos el sueño frente al buen castado, el mismo que muchos nos ha robado. Y para poder callarme no bastan las armas ni las balas, porque yo traigo el neuen de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha el año que vamos que nos prepara para poder hacerle frente al extranjero que ya no para. No te dejes amedrentar por la mentira del que te engaña, guíate por tu neuen y el afán que te acompaña. La fortaleza de nuestro pueblo nunca ha caído, con la fuerza el corazón siempre resistido. Bajo represiones hemos dado la batalla, yo soy mapuche resistiendo vaya donde vaya. Memoria de nuestra gente, de los caídos en la lucha y de los que aún siguen presentes. Aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Formando cambio para que nuestras próximas generaciones no sufran lo que hemos vivido, producto de discriminaciones. Es lo que hoy no para, porque la fuerza de nuestro pueblo ninguna ya se compara. No tengas miedo, solo peñi de alzar la voz y sientes rabia frente al sistema chileno que hoy atenta contra tu raza. Marichueo, 10 veces venceremos y nos levantaremos, como un solo pueblo lucharemos, rápidamente aplastaremos, mostraremos el neuen. Huichato ahí con tu peñi, huichato ahí la miel. Resistencia es lo que se ha vivido muchos años, no volveremos a aguantar y sufrimiento y engaño. Nuestra gente mapuche se está preparando para expulsar al buitre tregua que la tierra está usurpando. El pibu mantiene vivo el canto del peumafe, el raquifazo tiene el noche, el acto del guayafe. El asmagu mantiene el tribu del quinchefe, el aguanto ahí con mi chiste en muy fin que guafe. Como el canto del Chegol, levantamos nuestros guiños al llamado del Curcul, rompiendo fronteras como arao en la tierra. Pues el Mapu, Gulu, Mapu se levantan en la guerra. Un pueblo fortalecido, no el recuerdo de la historia que ha construido Cuica para borrar nuestra memoria, la cual mantenemos siempre viva y con mucha conciencia. Nuestro puño se levanta firme a la resistencia. Guerra, cultura, justicia y libertad, nuestra lucha, vida o muerte, igual vamos a recuperar. Resistiremos este Huichán a los guerreros despertar. Somos un pueblo orgulloso, no nos van a doblegar. El camino es pedregoso, con sus momentos dolorosos. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Il me semble bien qu'on vous a déjà parlé de Radio Zinzine, la radio qui a été créée et qui existe toujours à Longomaille et qui s'est depuis développée. Et quel meilleur endroit pour en parler que FPP? Et c'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Ouais, parce que du coup, là, cette radio c'est, qui s'appelle donc Radio Zinzine. Ouais. Qu'on peut écouter donc sur les ondes, mais aussi par internet, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Et donc là, tu me racontais que cette radio, elle a été créée en 81. Voilà, dès que Mitterrand était passé au pouvoir, on savait qu'il allait libérer les ondes FM. Donc nous, on s'est précipité là-dedans. Et puis on a commencé à installer un émetteur à la radio, donc sur le terrain de Longomaille, quoi. Au lieu dit la Zinzine, d'ailleurs c'est pour ça c'est qu'on pour a ça appelé ça radio fait, Zinzine. Zinzine qui serait un mot d'origine arabe en fait, et qui désignerait un petit bruit gênant, tu sais, comme un petit bruit de moustique là qui te gêne aux oreilles. Ce qui ne serait pas étonnant d'ailleurs, parce que la région, il y a eu, alors je ne sais plus à quelle époque exactement, mais il y a eu des Arabes qui sont venus jusque faire le siège de Fort Calquier au Moyen-Âge, mais je ne saurais plus dire les dates. Voilà, donc on a commencé ça, et petit à petit, après on a monté des émetteurs relais, quoi. Et à l'époque, on a jusqu'à Briançon, jusque là où on était en alpage, et puis jusqu'à Aix, et jusqu'à la création du CSA qui a mis l'ordre dans les ondes, quoi. C'est-à-dire qui a distribué des fréquences avec les zones d'écoute et d'émission, etc. Donc là, ils nous ont tout de suite réduit votre espace. Aix. En disant qu'on était une radio rurale, donc On n'avait pas vocation à couvrir Aix. Donc on a fait beaucoup de pression, de pétitions et tout ça, mais bon, n'empêche qu'on n'a pas pu récupérer Aix tout de suite. Et donc on a continué, en gros, sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, quoi. Avec une petite partie du Vaucluse, voilà. Et puis petit à petit, on a pu récupérer Aix, mais en organisant au fond une association, un regroupement d'associations qui a demandé une fréquence propre pour Aix, mais qui fonctionne avec nous, quoi. Donc depuis, ça fait quand même une bonne douzaine ou une quinzaine d'années, ça. Ouais. Donc on a un studio, enfin il y a une association Radio Zinzine à Aix avec un studio qui a des programmes. Qui a des programmes et qui de temps en temps bascule sur nous, et nous on prend aussi de leurs émissions. Enfin, ils n'assument pas 24 heures sur 24 comme ici, comme vous, si tu veux. Mais ils participent, il y a des décrochages qui se font avec eux, ils font une soirée d'infos par semaine aussi, depuis un bar de Aix. Donc vous avez différents programmes, mais la nuit aussi ? Oui, la nuit aussi, mais bon, maintenant... C'est des bandes musicales, voilà, pour passer des émissions. Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on avait une présence réelle, quoi, 24 heures sur 24, avec des équipes... qui tournaient. Par des gens de Longomaille, quoi. Avec quelques gens extérieurs qui venaient faire des émissions, autour des jeunes sur la musique rock ou punk ou autre chose. Et... Bon, maintenant, ça évolue parce que il y a peut-être un petit peu moins de gens. Enfin, il n'y a pas la même présence des gens de Longomaille. C'était un peu, on avait une liste, tu vois, par semaine où on s'inscrivait, un peu comme on s'inscrit à la cuisine pour la présence de la radio, quoi. Puis en plus, c'était nécessaire puisque la radio, elle est sur un lieu quand même un peu à l'écart des habitations, sur la colline. Donc d'avoir une présence permanente, c'était important, quoi. D'autant qu'effectivement, à une époque, on vous a... Bah oui, de... Votre émetteur a été cassé, ou tentative, ou vous avez été... Non, c'était pendant la perquisition des forces de police, là, en quelle année ? En 89, je crois, à l'automne, où on a eu... un envahissement par au moins 200-250 flics du terrain ici, où ils recherchaient des terroristes kurdes. Oui, parce que à une époque où on a été en solidarité avec des groupes kurdes qui étaient réfugiés en Europe et qui sont passés par ici pendant des vacances, quoi, qui étaient des travailleurs immigrés. Et bon, à l'époque, ça a été assez délicat parce qu'il y a eu des règlements de compte entre les différents mouvements turcs, kurdes. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu des assassinats qui ont été faits sur le terrain en Allemagne même. Et bon, de fil en aiguille, il y a eu une commission rogatoire de la justice allemande pour la France, pour demander qu'est-ce que c'est que ce lieu de Longomaille qui a accueilli à une époque des Kurdes, etc. Donc ça a été le prétexte, si tu veux, pour envahir le terrain, et en particulier la radio. C'était marrant parce que la radio, quand ils sont arrivés, en fait, ils n'ont pas fait éteindre tout de suite les micros. Ça fait que une bonne partie pendant une dizaine de minutes, on a entendu les gens pu entendre en direct, mais bon, c'était à 7h du matin. Mais ils ont pu entendre les flics investir la radio. Voilà. Vous avez pu le remonter très rapidement. Vous avez pas... Ah oui, non, ouais. Bon, ils ont. Je sais qu'à l'époque, ils ont pris du matériel, mais c'était surtout dans les premiers ordinateurs qu'on avait, ou des choses comme ça, quoi. Mais la radio, en fait, elle a jamais été. Bon, elle s'est arrêtée pendant une journée, mais on a pu reprendre très vite. Ouais. Et donc là, du coup, vous tournez avec différents. Maintenant, il y a différents programmes musicaux. Ouais, et puis il y a plus de gens aussi de l'extérieur qui participent dans les émissions. Maintenant, on a un studio mobile aussi, avec lequel on se rend sur place lors d'événements, de fêtes, de manifestations ou d'autres, et où on fait toujours des tables rondes, des débats, tu vois, des choses comme ça, qui sont retransmises après sur l'émetteur de la... On a un émetteur depuis ce studio mobile, avec une antenne qui renvoie sur la radio, quoi. Et donc on peut réémettre sur l'ensemble du réseau, quoi. Donc voilà, c'est un des secteurs quand même assez important, quoi, qui prend pas mal de gens de la radio. Il y a la publication hebdomadaire Lire déchaîné, quoi, qui reprend des thèmes qui ont été lancés par la radio, pour des articles écrits par des gens de la radio, ou alors des appels de l'extérieur, par exemple au moment de Notre-Dame-des-Landes. Enfin, ça relie un peu toutes les luttes ou tous les sujets qui nous intéressent en France et aussi dans le reste de l'Europe, hein, puisque comme on a d'autres coopératives aussi en Europe, hein, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, jusqu'en Ukraine. Donc, si tu veux, les gens de Longomaille, périodiquement, quand il y a un sujet qui est brûlant dans leur région, dont ils ont envie de parler, ils peuvent appeler en direct pendant... faire des infos, quoi, pratiquement depuis leur lieu. Voilà, bah, voilà, c'est une longue histoire, et puis ça continue. Je pense que là, par exemple, il y a des projets avec des écoles, par exemple, tu vois, sur le fait d'utiliser la radio, qu'est-ce qu'on peut faire. Une école de Cérest, là, un village à côté, en allant vers le Vaucluse, là, vers Avignon, qui, maintenant, ils font périodiquement des émissions avec les profs et les élèves, quoi. Qui est diffusé donc sur Longomaille. Non, qui est diffusé sur la radio, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc ils commencent à préparer des émissions, des sujets, quoi, dont ils veulent parler et qui seront diffusés plus largement. Puis après, il y a toute l'ouverture, tous les groupes culturels, toutes les luttes qui peuvent se passer dans le monde. Bon, il y a beaucoup d'émissions qui sont produites ici. Hein, donc aussi des gens qui vont faire des reportages, qui vont visiter des sites ou des gens, etc. Et qui reviennent, qui montent des émissions. Bon, ça peut être aussi bien sur l'Amérique latine que sur des questions de paysanne. Il y a une émission sur l'agriculture, plus spécialisée sur l'agriculture, par exemple. Ouais, t'en as d'autres sur les plantes, t'en as d'autres sur les médecines naturelles, par exemple. C'est des sujets vraiment très variés. T'as une émission sur le jazz. Oui, puis des émissions plus politiques, quoi, des sujets politiques, économiques, historiques, etc. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Un petit morceau, un vieux morceau de Mano Negra pour introduire la question de la Coupe du Monde, parce que, bon, je vous l'ai dit au début, je vous l'ai pas dit au début, mais techniquement, on était censé avoir une copine qui viendrait nous parler des différentes mobilisations contre la Coupe du Monde et des différentes mobilisations sociales au Mexique qui ont lieu avant et qui ont continué pendant. Et bon, il y a eu un problème d'organisation, mais néanmoins, entraînant dans quelques manifestations, j'ai récupéré un joli 4 pages qui s'appelle La Coupe est pleine, avec, qui est un collectif qui soutient les luttes sociales au Brésil, qui, avec pas mal d'organisations signataires, et qui est assez intéressant, qui éclaire pas mal le contexte social du coin. Donc je vais vous en lire quelques extraits, même si bon, j'ai finalement réussi à pas mal remplir cette émission et que je ne vais pas avoir trop de temps. Mais néanmoins, je vais commencer et vous lire un petit peu quelques extraits de ce 4 pages. Donc, du 12 juin au 13 juillet, la Coupe du Monde de football a lieu au Brésil. En 2016, les Jeux Olympiques seront organisés dans ce pays. Pour ces deux événements sportifs et commerciaux, des sommes colossales sont dépensées. Alors que le nombre de besoins essentiels de la population ne sont pas satisfaits, loin de là. Par ailleurs, la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, comme le Comité International Olympique, ont la détestable habitude de s'accommoder sans sourciller avec des régimes totalitaires. La FIFA, le CIO et les États-Unis et les États qui les soutiennent, notamment en leur accordant d'importants fonds publics et en les cautionnant, méprisent les populations qui vivent dans les pays où ils organisent ces compétitions sportives internationales. Dépenses somptueuses, déplacements autoritaires de populations, répression accompagnent souvent ces initiatives. Le Brésil n'y échappe pas. Nous affirmons notre solidarité avec celles et ceux qui, au Brésil, refusent que la Coupe du Monde de football soit le prétexte à de graves mesures qui attaquent directement la population, particulièrement les plus pauvres, et visent spécifiquement celles et ceux qui résistent et exigent le respect des droits fondamentaux. Projet de loi étendant très dangereusement le possible recours aux mesures antiterroristes, interdiction et répression envers les manifestations, campagne diffamatoire envers celles et ceux qui s'opposent à la remise en cause des libertés, occupation des favelas par des forces militaires et de police qui prolongent les innombrables expulsions opérées pour les chantiers de la Coupe du Monde et des JO de 2016. Plus de 170 000 familles ont été jetées à la rue. Organisation par les réseaux mafieux d'une prostitution à grande échelle dans toutes les villes où auront lieu les matchs, avec ce que cela implique en termes de violence et de négation des droits humains. Des organisations syndicales et des mouvements sociaux brésiliens organisent la résistance et refusent à juste titre d'y renoncer pour cause de Coupe du Monde de football. L'argent parvient à la FIFA et aux entreprises. Nous voulons de l'argent pour la santé, l'éducation, le logement, les transports collectifs et la réforme agraire, affirme-t-il. Et ils ont raison. Donc il y a eu plusieurs initiatives qui ont été organisées à Paris, notamment jeudi dernier, il y a eu un rassemblement devant l'ambassade du Brésil à Paris pour l'ouverture de la Coupe du Monde, et une réunion publique sera organisée le 23 juin à la Bourse du Travail de Paris à 19h, Bourse du Travail qui est située aux 3 rues du Château d'Eau, Paris 10e Métro République. Donc dans ce petit 4 pages, on peut apprendre notamment que la Coupe du Monde, comme beaucoup de manifestations, est l'occasion de mettre en œuvre des dépenses publiques, mais des bénéfices privés. On notera par exemple que les compétitions sportives sont depuis longtemps des machines à drainer l'argent public vers les grandes multinationales, des dizaines de milliards de bénéfices. Et les mafias sportives internationales, la FIFA, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires par an, et le CIO, 4 à 5 milliards à chaque Olympiade, et les riches de chaque pays organisateur. Donc par exemple, en 2014, les JO de Sotchi en Russie ont impliqué 36 milliards d'euros de dépenses. En 2012, les JO de Londres, c'était 12 milliards. En 2010, ceux de Vancouver, 5 milliards. En 2010, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'était 4,3 milliards de dollars de dépenses pour l'Afrique du Sud, 2 milliards de profits pour la FIFA. En 2004, les Jeux Olympiques d'Athènes, c'était 15 milliards de dépenses et qui ont évidemment largement contribué à l'explosion de la dette grecque. Donc, les expulsions d'habitants sont aussi une habitude et permettent des constructions de haut standing pour les riches. Pour les JO de 2008 à Pékin, par exemple, 42 milliards ont été dépensés et plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées dans le cadre des projets de développement urbain. C'est le cas, clairement, à chaque grand événement sportif, et le Brésil n'a pas du tout échappé à cette logique. Donc voilà, un petit topo sur la Coupe du Monde, puisqu'on devait en parler et que ça me semble important de le faire. Je vais enchaîner sans transition sur le petit reportage sur l'hommage à Galeano qui a été produit par Promedios Mexique, donc qui est en partie en français et en partie sous-titré, donc je vais vous faire ça en direct. por mi voz ya no par ma voix ne parlera plus la voix de l'EZLL. Nous pensons qu'il faut que l'un de nous meure pour que Galeano vive. Et pour que cette impertinente qu'est la mort soit satisfaite, nous avons décidé que Marcos arrête d'exister aujourd'hui. Dis donc, il fait sombre ici. J'ai besoin d'une petite lumière. Ayez bien le bonjour, compagnon. Mon nom est Galeano, sous-commandant insurgé Galeano. L'information suivante vient du Centre des droits de l'homme Fraiba. Le 2 mai, dans le caracol zapatiste numéro 1 La Realidad, se sont trouvés réunis les autorités de l'Assemblée du bon gouvernement zapatiste avec des membres de la Centrale indépendante des ouvriers agricoles et paysans, la CUAC historique, pour essayer de résoudre la problématique venant de la rétention d'un véhicule appartenant à l'organisation zapatiste. Lorsque nous avons fait irruption et nous avons interrompu en 1994 avec ceux et feu, pour nous autres les zapatistes, la guerre ne commençait pas. La guerre d'en haut, avec mort et destruction, spoliation et humiliation, exploitation et silence, imposés aux vaincus, nous en souffrions depuis des siècles. Parce que le plus important pour nous sont les compagnons des villages. Ils sont notre force, ce qui nous nourrit, notre destin. Ils sont nous. Nous avons vu durant 20 ans que lorsque nous avons dialogué avec ces vendeurs de patrie, cela n'a servi à rien. C'est pour cela que nous autres, en tant que zapatistes, nous ne sommes pas là à lutter, pour prendre le pouvoir, ni par les élections, ni par les armes. Et au lieu de nous dédier à former des guerrilleros, des soldats, des escadrons, nous préparons des promoteurs d'éducation, de santé. Et ainsi se sont élevées les bases de l'autonomie qui aujourd'hui émerveille le monde. Des membres de la CUAC historique, habitants de la communauté de la Realidad, ont attaqué les installations de l'école et de la clinique autonome zapatiste. Ils ont aussi endommagé le véhicule retenu. Le prétexte était que leurs représentants étaient séquestrés dans le centre zapatiste. Mais le professeur Roberto Alvaro Berrasco, secrétaire particulier de la CUAC historique, dit ne jamais avoir été séquestré, qu'il était libre et qu'il a décidé de rester pour résoudre le problème. À l'aube du premier jour du premier mois de l'année 1994, une armée de géants, c'est-à-dire d'indigènes rebelles, est descendue jusqu'aux villes pour, avec son pas, secouer le monde. À peine quelques jours après, avec le sang des nôtres tombé encore frais dans les rues, nous nous sommes rendus compte que ceux du dehors ne nous voyaient pas. Habitués à regarder de haut les indigènes. Ils ne levaient pas le regard pour nous voir. Habitués à nous voir humiliés, leur cœur ne comprenait pas notre digne rébellion. Ainsi commença une manœuvre complexe de distraction, un truc de magie terrible et merveilleuse, un jeu malicieux du cœur indigène que nous sommes. Alors commença la construction du personnage appelé Marcos. Il est parvenu au Caracol, la nouvelle que 68 zapatistes, qui allaient arriver à la communauté de la Realidad, ont été pris en embuscade et agressés avec des armes à feu, des machettes, des bâtons et des pierres. Quelques zapatistes réunis dans leur centre sont sortis pour porter assistance à leurs compagnons et ont aussi été agressés. José Luis Solís López, connu sous le nom de guerre Galeano, fut entouré de 20 paramilitaires qui l'ont roué de coups, l'ont frappé à la machette et lui ont tiré dessus, pour finalement lui donner le coup de grâce en lui tirant une balle dans la tête. Les gens de la CUAC historique, que font-ils? Rien de plus que le travail d'être paramilitaire. Et à qui cela sert? Aux riches. Ils défendent ceux qui les exploitent. Et nous disons au mauvais gouvernement, le peuple zapatiste de la Realidad, que nous n'allons jamais permettre qu'ils la détruisent. C'est notre conviction et notre pratique que pour se rebeller et lutter, il n'est nécessaire ni leader, ni chef, ni messie, ni sauveur. Pour lutter, il faut un peu de vergogne, un peu de dignité et beaucoup d'organisation. Marcos, le personnage a été créé, et aujourd'hui, ses créateurs, les zapatistes, nous le détruisons. Par ma voix, parle la voix de l'EZLN. Et voilà, c'était donc Marcos et Moïses. Je vous laisse avec le générique, c'est terminé, salut. Grita y necesita.